Nous sommes rendus à l'ouest, et oui, l'ouest canadien, et on va y aller en jazz encore une autre fois. Les deux prochains invités étaient ensemble sur la même scène lors du festival de jazz de Winnipeg. Il s'agissait tout simplement de Marie-Véronique Bourque, qui joue, qui est flûtiste, chanteuse jazz, et Suzanne Kennelly, qui était là en spectacle également. Deux artistes, deux auteurs, compositrices, interprètes jazz que j'ai vraiment le plaisir de vous faire entendre régulièrement. Donc, pour Suzanne Kennelly, on va y aller avec un peu comme eux, hein, tiré de son album Suzanne Kennelly Jazz. Et par la suite, on va entendre Excusez-moi, qui est la seule pièce chantée de l'album de Marie-Véronique Bourque, qui fait du jazz français avec sa flûte traversière. C'est de toute beauté. J'adore ça. Donc, mettez la main là-dessus sur ces deux albums-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Marie-Véronique Bourque et Suzanne Kennelly. Mais juste avant, parce que j'ai le goût de vous faire entendre une chanson souvenir pour chaque bloc et parce que j'ai le goût de vous faire entendre la chanson qui s'en vient précisément, eh bien, on va se rappeler un beau souvenir de Micheline Girardin. Micheline Girardin qui était sur une compilation qui s'appelle « En pleine chanson » que j'ai eue lorsque j'ai commencé l'émission Canrock, plusieurs années de ça. Eh bien, il y avait cette belle chanson-là que j'aime bien. Ça s'appelle tout simplement « Ton nom, désillusion ». Donc, voici Micheline Girardin, après quoi ce sera Suzanne Kennelly, ainsi que Marie-Véronique Bourque pour ce bloc jazz de l'Ouest canadien. Et tu t'effaces en ne laissant que ton nom. Toi, tu m'apparais comme la chance et me caresses en me blessant de ton nom. We

puis la vie a posé un grand silence entre nous. Il y a longtemps, il y a des lunes, j'ai passé des nuits blanches à chasser mes idées noires. Je rêve tout éveillé qu'elle revient m'ensorceler. Excusez-moi, désolée, je dois partir. Pardonnez-moi, c'est assez, je ne peux plus attendre. J'ai rendez-vous avec mon premier amour. Cette année, c'est une année quand même exceptionnelle où ce que j'ai la chance de finalement rencontrer des gens avec qui que je communique depuis quelques années et même des décennies des fois. Et j'arrive finalement à les rencontrer, hein, que je pense à Émilie Landry, que je pense à Amélie Hall. Le prochain invité, je l'ai rencontré au contact, pas au contact, mais... à la soirée des Triors à Ottawa au mois de mai. Ça m'a fait plaisir de le rencontrer. C'est un gars très sympathique, un grand gaillard du nom de Alpha Toshineza. Il a sorti un nouvel album assez intéressant qui s'appelle Triple A. Je vais écouter ça à fond pour en faire un commentaire de disque. Mais déjà, il y a quelques pièces qui ressortent de l'album qui sont très intéressantes, dont la pièce qui s'en vient, Mélancolie. Je vais vous faire entendre ça. C'est une nouveauté.

faire. Ici du côté des vivants, les saisons s'écoulent tranquillement, mon frère. Mon frère. Mais je manque de. Paul Cournoyer de la région d'Edmonton, si je ne me trompe pas, ou c'est peut-être, non, c'est Edmonton, je ne pense pas que ça soit Calgary, qui fait de l'excellente musique, qui vient de nous sortir un nouvel album. Allez faire un tour, peut-être que sur la PCM c'est disponible, ou encore sur les différentes plateformes musicales. Là. Donc, faites apcm.ca pour tous les détails au niveau des artistes de l'Ontario français et de l'Ouest. Et sûrement que Paul Cournoyer, son disque sera disponible là ou encore sur iTunes ou quoi que ce soit. Allez mettre la main là-dessus. C'est un bon produit franco-canadien. Ça va nous faire plaisir à nous de le faire tourner avec grand plaisir parce que c'est pour ça que l'émission existe. L'émission Canrock est là pour partager avec vous la richesse et la diversité de la musique franco-canadienne. Mais ça ne se fait pas tout seul. Permettez-moi, en terminant, de remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Elisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chiticam, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie, en Ontario. Il y a également Envol 91 Saint-Boniface, au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. cdn@gmail.com. Ça va me faire plaisir d'écouter ça, de regarder ça et puis de le faire tourner et pour le partager avec tout le monde à travers le Canada. C'est le but de l'émission. Donc, l'émission qui dure depuis presque 25 ans, ça fera 25 ans au mois d'octobre cette année. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes, envoyez-moi ça à canrockcdn@gmail.com. Je m'étends le bras pour pouvoir partir le thème. Voilà, c'est parti avec un grand plaisir. Ça me fait plaisir de faire cette émission-là. Juste vous dire en terminant d'aller encourager vos artistes locaux. C'est important, ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine musicale. À la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye bye!